Quatrième discours, deuxième partie. De Théodose II et Valentinien III à Marcien, Avitus, Léon Ier, Majorien, Anthème, Olibre, Glycerius, Nepos, Zénon et Augustul. L'empereur d'Occident, Valentinien III, était à Constantinople avec sa mère, Placidie, lorsque Honorius décéda. Jean, premier secrétaire, profita de la vacance du trône et se fit déclarer auguste à Rome. Pour soutenir son usurpation, il sollicita l'alliance des Huns. Théodose défendit les droits de son cousin. Ardaburius passa en Italie avec une armée. Jean, abandonné des siens, fut pris. On le promena sur un âne au milieu de la populace d'Aquilée. On lui avait déjà coupé une main, on lui trancha bientôt la tête. Ce prince d'un moment décréta la liberté perpétuelle des esclaves. Les grandes idées sociales traversent rapidement la tête de quelques hommes, longtemps avant qu'elles puissent devenir des faits. C'est le soleil qui essaye de se lever dans la nuit. Valentinien avait 6 ans, lorsqu'on le proclama auguste sous la tutelle de sa mère. L'Illyrie occidentale fut abandonnée à l'Empire d'Orient. Un édit déclara qu'à l'avenir, les lois des deux empires cesseraient d'être communes. Deux hommes jouissaient à cette époque d'une réputation méritée. Aetius et Boniface ont été surnommés les derniers Romains de l'Empire, comme Brutus est appelé le dernier Romain de la République. Malheureusement, ils n'étaient point, ainsi que Brutus, enflammés de l'amour de la liberté et de la patrie. Cette noble passion n'existait plus. Brutus aspirait au rétablissement de l'ancienne liberté affranchie de la tyrannie domestique. Qu'auraient pu rêver Aetius et Boniface ? Le rétablissement du vieux despotisme délivré du joug étranger. Ce résultat ne pouvait avoir pour eux la force d'une vertu publique. Aussi combattaient-ils avec des talents personnels pour des intérêts privés nés d'un autre ordre de choses. Ils se mêlaient à leurs actions un sentiment d'honneur militaire. Mais l'indépendance de leur pays, s'ils l'avaient conquise, n'eût été qu'un accident de leur gloire. La défaite d'Attila a immortalisé Aetius. La défense de Marseille contre Atolphe et la reprise de l'Afrique sur les partisans de l'usurpateur Jean ont fait la renommée de Boniface. Il est devenu plus célèbre pour avoir livré l'Afrique aux barbares que pour l'avoir délivrée des Romains. Dans les titres d'illustration de Boniface, on trouve l'amitié de Saint-Augustin. Placidie devait tout à ce grand capitaine. Il lui avait été fidèle au temps de ses malheurs. Aetius, au contraire, avait favorisé la révolte de Jean et négocié le traité qui faisait passer 60 000 Huns des bords du Danube aux frontières de l'Italie. Aetius était fils de Gaudence, maître de la cavalerie romaine et comte d'Afrique. Élevé dans la garde de l'empereur, on le donna en otage à Alaric vers l'an 403 et ensuite aux Huns dont il acquit l'amitié. Aetius avait les qualités d'un homme de tête et de cœur. Un trait particulier le distinguait des gens de sa sorte. L'ambition lui manquait, et pourtant il ne pouvait souffrir de rival, d'influence et de gloire. Cette jalouse faiblesse le rendit faux envers Boniface, quoiqu'il eût de la droiture. Il invita Placidie à retirer à Boniface son gouvernement d'Afrique. Il mandait à Boniface que Placidie le rappelait dans le dessein de le faire mourir. Boniface s'arme pour défendre sa vie, qu'il croit injustement menacée. Aetius représente cet armement comme une révolte qu'il avait prévue. Poussé à bout, Boniface a recours aux Vandales répandus dans les provinces méridionales de l'Espagne. Gondéric, roi de ces barbares, venait de mourir. Son frère bâtard, Genséric, ou plus correctement Gisérik, avait pris sa place. Sollicité par Boniface, il fait voile avec son armée et aborde en Afrique au mois de mai 429. 3 siècles après, le ressentiment et la trahison d'un autre capitaine devaient appeler d'Afrique en Espagne des vengeurs d'une autre querelle domestique. Les Maures s'embarquèrent où les Vandales avaient débarqué. Ils traversèrent en sens contraire ce détroit dont les tempêtes ne purent défendre le double rivage contre les passions des hommes. Les troubles que produisait en Afrique le schisme des donatistes facilitèrent la conquête de Genséric. Ce prince était à rien. Tous ceux qu'opprimait l'Église orthodoxe regardèrent l'étranger comme un libérateur. Les Vandales, assistés des Maures, furent bientôt devant Hippone, où mourut Saint-Augustin. Boniface et Placidie s'étaient expliqués. La fourberie d'Aetius avait été reconnue. Boniface, repentant, essaya de repousser l'ennemi. On répare le mal qu'un autre a fait, rarement le mal qu'on fait soi-même. Boniface, vaincu dans deux combats, est obligé d'abandonner l'Afrique, quoiqu'il eût été secouru par Aspar, général de Théodose. Placidie le reçut généreusement, l'éleva au rang de patrice et de maître général des armées d'Occident. Aetius, qui triomphait dans les Gaules, accourt en Italie avec une multitude de barbares. Les deux généraux, comme deux empereurs, vident leurs différends dans une bataille. Boniface remporta la victoire, 432, mais Aetius le blessa avec une longue pique qu'il s'était fait tailler exprès. Boniface survécut 3 mois à sa blessure. Par une magnanimité que réveillaient en lui les malheurs de la patrie, il conjura sa femme, riche espagnole, veuve bientôt, de donner sa main à Aetius. Placidie déclare Aetius rebelle, l'assiège dans les forteresses où il essaye de se défendre et le force de se réfugier auprès de ses uns qu'il devait battre au champ catalonique. Après avoir négocié un traité de paix avec Valentinien III pour se donner le temps d'exterminer ses ennemis domestiques, Genséric s'approcha de Carthage, surnommée la Rome africaine. Il y entra le 9 octobre 439. 585 ans s'étaient écoulés depuis que Scipion le Jeune avait renversé la Carthage d'Hannibal. L'année de la prise de la Carthage romaine par un vandale fut celle du voyage d'Eudocie, l'Athénienne, femme de Théodose II, à Jérusalem. Assise sur un trône d'or, elle prononça, en présence du peuple et du Sénat, un panégyrique des Antiochiens dans la ville dont Julien avait fait la satire. De Jérusalem, elle envoya à Pulchérie, sa belle-sœur, le portrait de la Vierge, fait, disait-on, de la main de Saint-Luc. La tradition de cette image arriva, par la succession des peintres, jusqu'au pinceau de Raphaël. La religion, la paix et les arts marchent inaperçus à travers les siècles, les révolutions, la guerre et la barbarie. Eudocie, soupçonnée d'un attachement trop vif pour Paulin, retourna à Jérusalem où elle mourut. Une pomme que Théodose avait envoyée à Eudocie et qu'Eudocie donna à Paulin découvrit un mystère dont l'ambition de Pulchérie profita. Maintenant que je vous ai retracé l'invasion des Goths et des divers peuples du Nord, il me reste à vous parler de celle des Huns, qui engloutit un moment toutes les autres. Lorsque les Huns passèrent les Palus Méotides, ils avaient pour chef Balamir ou Balambert. On trouve ensuite Huldin et Caraton. Les ancêtres d'Attila avaient régné sur les Huns, ou si l'on veut, ils les avaient commandés. Minduic ou Menzuke, son père, avait pour frères Octar et Rouas, ou Roas, ou Rugula, ou Rugilas, et il était puissant. Les Huns multiplièrent leurs camps entre le Tanaïs et le Danube. Ils possédaient la Pannonie et une partie de la Dacie lorsque Rouas mourut. Il eut pour successeurs ses deux neveux, Attila et Bieda, qui pénétrèrent dans l'Illyrie. Attila tua Bléda et resta maître de la monarchie des Huns. Il attaqua les Perses en Asie et rendit tributaire le nord de l'Europe. La Scythie et la Germanie reconnaissaient son autorité. Son empire touchait au territoire des Francs et s'approchait de celui des Scandinaves. Les Ostrogoths et les Gépides étaient ses sujets. Une foule de rois et 700 000 guerriers marchaient sous ses ordres. On veut aujourd'hui, sur l'autorité des Nibelungen, poème allemand de la fin du XIIe siècle ou du commencement du XIIIe, que le nom original d'Attila ait été Hetzel. Je n'en crois rien du tout. Dans tous les cas, il n'est guère probable que le nom d'Hetzel fasse oublier celui d'Attila. Vainqueur du monde barbare, Attila tourna ses regards vers le monde civilisé. Genséric, craignant que Théodose II n'aida Valentinien III à recouvrer l'Afrique, excita les Huns à envahir de préférence l'Empire d'Orient. Vous remarquerez combien les barbares étaient rusés, astucieux, amateurs des traités, combien les intérêts des diverses cours leur étaient connus, avec quel art ils négociaient en Europe, en Afrique, en Asie, au milieu des événements les plus divers et les plus compliqués. Une querelle pour une foire au bord du Danube fut le prétexte de la guerre entre Attila et Théodose, 407 ou 408. le débordement des Huns couvrit l'Europe dans toute sa largeur, depuis le pont Euxin jusqu'au golfe Adriatique. Trois batailles perdues par les Romains amenèrent Attila aux portes de Constantinople. Une paix ignominieuse termina ses premiers ravages. Attila, en se retirant, emporta un lambeau de l'Empire d'Orient. Théodose lui donna 6 000 livres d'or et s'engagea à lui payer un tribut annuel du 6e ou des 2/6 de cette somme. À la suite de ces événements, le roi des Huns avait envoyé à Constantinople, 449, une députation dont faisait partie Oreste, son secrétaire, qui fut père d'Augustule, dernier empereur romain. Ces guerres prodigieuses, ces changements étranges de destinée, nous étonnaient plus il y a un demi-siècle qu'ils ne nous frappent aujourd'hui. Accoutumés au spectacle de petits combats renfermés dans l'espace de quelques lieues et qui ne changeaient point les empires, nous étions encore habitués à la stabilité héréditaire des familles royales. Maintenant que nous avons vu de grandes et subites invasions, que le Tartare voisin de la muraille de la Chine a campé dans la cour du Louvre et est retourné à sa muraille, que le soldat français a bivouaqué sur les remparts du Kremlin ou à l'ombre des pyramides, maintenant que nous avons vu des rois de vieille ou de nouvelle race mettre le soir dans leur porte-manteau leur sceptre vermoulu ou couper le matin sur l'arbre, ces jeux de la fortune nous sont devenus familiers. Il n'est ni monarque si bien apparenté qui ne puisse perdre dans quelques heures le bandeau royal du trésor de Saint-Denis. Il n'est si mince clerc ou gardeur de cavale qui ne puisse trouver une couronne dans la poussière de son étude ou dans la paille de sa grange. L'eunuque Chrysaphe, favori de Théodose, essaya de séduire Édécon, un des négociateurs d'Attila, et crut l'avoir engagé à poignarder son maître. Édécon, de retour au camp des Huns, révéla le complot. Attila renvoya Oreste à Constantinople avec des preuves et des reproches, demandant pour satisfaction la tête du coupable. Les patrices, Anatole et Nomus, furent chargés d'apaiser Attila avec des présents. Priscus les accompagnait. Il nous a laissé le récit de sa mission et de son voyage. Ce même Priscus avait vu Mérové, roi des Francs, à Rome. Sur ces entrefaites, Théodose mourut à Constantinople, l'an 450, d'une chute de cheval. Il était âgé de 50 ans. Le code qui porte son nom a fait la seule renommée de ce prince. Monument composé des débris de la législation antique, semblable à ces colonnes qu'on élève avec les reins abandonnés sur un champ de bataille, monument de vie pour les barbares, de mort pour les romains, et placé sur la limite de deux mondes. Les historiens ecclésiastiques sont de cette époque. Les rappeler, c'est reconnaître la position de l'esprit humain. Sozomène, Socrate, Théodoret, Philostorge, Théodore, auteur de l'histoire tripartite, Philippe de Cide, Priscus et Jean l'orateur. Pulcheri, depuis longtemps proclamé Augusta, plaça la couronne de son frère Théodose sur la tête de Martien. Pour mieux assurer les droits de ce citoyen obscur, moitié homme d'épée, moitié homme de plume, elle l'épousa et demeura vierge, 451. Cette élection ne fut contestée ni du Sénat, ni de la cour, ni de l'armée. Prodigieux changement dans les mœurs. Ici commence un esprit inconnu à l'Antiquité et qui fait pressentir ce Moyen-Âge où tout était aventure. Des femmes disposaient des empires. Placidie, sœur d'Honorius et captive d'un Goth, passe dans le lit de ce Goth qui aspire à la pourpre. Pulcheri, sœur de Théodose II, porte l'Orient à Martien. Honorien, sœur de Valentinien III, veut donner l'Occident à Attila. Eudoxie, fille de Théodose II et veuve de Valentinien III, appelle Genséric à Rome. Eudoxie, fille de Valentinien III, épouse Huneric, fils de Genséric. C'est par les femmes que le monde ancien s'unit au monde nouveau. Dans ce mariage, dont nous sommes nés, les deux sociétés se partagèrent les sexes, la vieille prit la quenouille et la jeune l'épée. Martien était digne du choix de Pulcheri. Il possédait ce mérite qu'on ne retrouve que dans les classes inférieures au temps de la décadence des nations. Il a été loué par Saint Léon le Grand. On dit qu'il avait le cœur au-dessus de l'argent et de la crainte. Il apaisa les troubles de l'Église par le concile de Chalcédoine. Il répondit à Attila qui lui demandait le tribut : « J'ai de l'or pour mes amis, du fer pour mes ennemis. » lorsque Aspar, général de Théodose, attaqua l'Afrique, Martien l'accompagnait en qualité de secrétaire. Aspar fut défait par les Vandales et Martien se trouva au nombre des prisonniers de Genséric. Attendant son sort, il se coucha à terre et s'endormit dans la cour du roi. La chaleur était brûlante, un aigle survint, se plaça entre le visage de Martien et le soleil et lui fit ombre de ses ailes. Genséric l'aperçut, s'émerveilla, et si l'on faut croire cette ingénieuse fable, il rendit la liberté aux prisonniers dont il préjugea la grandeur. La fière réponse de Martien à Attila blessa l'orgueil de ce conquérant. Le Tartare hésitait entre deux proies. Du fond de sa ville de bois, dans les herbages de la Pannonie, il ne savait lequel de ses deux bras il devait étendre pour saisir l'Empire d'Orient ou l'Empire d'Occident, et s'il arracherait Rome ou Constantinople de la terre. Il se décida pour l'Occident et prit son chemin par les Gaules. Aetius était rentré en grâce auprès de Placidie. On a vu qu'il avait été l'hôte et le suppliant des Huns. Le royaume des Visigoths, dans les provinces méridionales des Gaules, s'était fixé sous le sceptre de Théodoric, que quelques-uns ont cru fils d'Alaric. Clodion, le premier de nos rois, avait étendu ses conquêtes jusqu'à la Somme. Aetius le surprit et le repoussa, mais Clodion finit par garder ses avantages. Clodion mort, ses deux fils se disputèrent son patrimoine. L'un d'eux, peut-être Mérové, qui tout jeune encore était allé en ambassade à Rome, implora le secours de Valentinien et son frère aîné rechercha la protection d'Attila. Honoria, sœur de Valentinien, rigoureusement traitée à la cour de son frère, avait été aimée d'Eugène, jeune Romain attaché à son service. Des signes de grossesse se manifestèrent, l'impératrice Placidie fit partir Honoria pour Constantinople. Au milieu des sœurs de Théodose et de leur pieuse compagne, Honoria, qui avait senti les passions, ne put goûter les vertus. De même que Placidie, sa mère, était devenue l'épouse d'un compagnon d'Alaric, elle résolut de se jeter dans les bras d'un barbare. Elle envoya secrètement un de ses eunuques porter son anneau au roi des Huns. Attila était horrible, mais il était le maître du monde et le fléau de Dieu. Armé de l'anneau d'Honoria, le chef des Huns réclamait la dot de sa haute fiancée, c'est-à-dire une portion des États romains. On lui répondit que les filles n'héritaient pas de l'Empire. Attila se prétendait encore attiré par des intérêts que mettait en mouvement une autre femme. Théodoric avait marié sa fille unique à Hunéric, fils de Genséric. Sur un soupçon d'empoisonnement, Genséric la renvoya à son père après lui avoir fait couper le nez et les oreilles. Les Visigoths menaçaient les Vandales de leur vengeance et Genséric appelait Attila son allié pour retenir Théodoric, son ennemi. Trois causes ou trois prétextes amenaient donc Attila en Gaule. La réclamation de la dot d'Honoria, l'intervention réclamée dans les affaires du royaume des Francs, la guerre contre les Visigoths en vertu d'une alliance existant entre les Huns et les Vandales. Arbitre des nations, défenseur d'une princesse opprimée, le ravageur du monde, devancier de la chevalerie, se prépara à passer le Rhin au nom de l'amour, de la justice et de l'humanité. Des forêts entières furent abattues. Le fleuve qui sépare les Gaules de la Germanie se couvrit de barques chargées d'innombrables soldats, comme ces autres barques qui transportent aujourd'hui le long du Pénée les abeilles nomades des bergers de la Thessalie. Saint Agnan, évêque d'Orléans, Saint Loup, évêque de Troyes, Sainte Geneviève, gardeuse de moutons à Nanterre, s'efforcèrent de conjurer la tempête. Vous verrez l'effet et le caractère de leur intervention quand je vous parlerai des mœurs des chrétiens. Aetius n'avait rien négligé pour combattre ses anciens amis. Les Visigoths s'étaient, non sans hésitation, joints à ses troupes. Beaucoup de négociations avaient eu lieu entre Théodoric, Attila et Valentinien. Aetius marcha au-devant des Huns et les rencontra, occupés et retardés, devant Orléans, dont la destinée était de sauver la France. Attila se retira dans les plaines cataloniques, appelées aussi mauriciennes, longues de 100 lieues, 10 jornandes, et larges de 70. Il fut suivi par Aetius et Théodoric. Les deux armées se mirent en bataille. Une colline qui s'élevait insensiblement bordait la plaine. Les Huns et leurs alliés en occupaient la droite. les Romains et leurs alliés, la gauche, là se trouvait rassemblée une partie considérable du genre humain, comme si Dieu avait voulu faire la revue des ministres de ses vengeances au moment où ils achevaient de remplir leur mission. Il leur allait partager la conquête et désigner les fondateurs des nouveaux royaumes. Ces peuples, mandés de tous les coins de la terre, s'étaient rangés sous les deux bannières du monde à venir et du monde passé, d'Attila et d'Aetius. Avec les Romains marchaient les Visigoths, les Loétis, les Armoricains, les Gaulois, les Bréones, les Saxons, les Bourguignons, les Sarmates, les Alains, les Alamans, les Ripuaires et les Francs soumis à Mérovée. Avec les Huns se trouvaient d'autres Francs et d'autres Bourguignons, les Rugiens, les Hérules, les Thuringiens, les Ostrogoths et les Gépides. Attila harangua ses soldats. Méprisé ce ramas d'ennemis désunis de mœurs et de langage, associés par la peur, précipitez-vous sur les Alains et les Goths qui font toute la force des Romains. Le corps ne se peut tenir debout quand les os en sont arrachés. Courage ! Que la fureur accoutumée s'allume, le glaive ne peut rien contre les braves avant l'ordre du destin. Cette foule épouvantée ne pourra regarder les Huns en face. Si l'événement ne me trompe, voici le champ qui nous fut promis par tant de victoires. Je lance le premier trait à l'ennemi. Quiconque oserait devancer Attila au combat est mort. Cette bataille, 453, fut effroyable, sans miséricorde, sans quartier. Celui qui, pendant sa vie, dit l'historien des Goths, fut assez heureux pour contempler de pareilles choses, et qui manqua de les voir, se priva d'un spectacle miraculeux. Les vieillards du temps de l'enfance de Jornandès se souvenaient encore qu'un petit ruisseau coulant à travers ces champs héroïques grossit tout à coup, non par les pluies, mais par le sang, et devint un torrent. Les blessés se traînaient à ce ruisseau pour y étancher leur soif et buvaient le sang dont ils l'avaient formé. 162 000 morts couvrirent la plaine. Théodoric fut tué, mais Attila vaincu. Retranché derrière ses chariots pendant la nuit, il chantait, en choquant ses armes, lion rugissant et menaçant à l'entrée de la caverne où l'avaient acculé les chasseurs. L'armée triomphante se divisa, soit par l'impatience ordinaire des barbares, soit par la politique d'Aetius, qui craignit qu'Attila passé ne laissât les Visigoths trop puissants. Comme je marque à présent tout ce qui finit, la victoire catalonienne est la dernière grande victoire obtenue au nom des anciens maîtres du monde. Rome, qui s'était étendue peu à peu jusqu'aux extrémités de la terre, rentrait peu à peu dans ses dernières limites. Elle allait bientôt perdre l'empire et la vie dans ces mêmes vallées des Sabins où sa vie et son empire avaient commencé. Il ne devait rester de ce géant qu'une tête énorme séparée d'un corps immense. Attila s'attendait à être attaqué. Il ne s'aperçut de la retraite des vainqueurs qu'au long silence des campagnes abandonnées aux 162 000 muets de la mort. Échappé contre toute attente à la destruction et rendu à sa destinée, il repasse le Rhin. Plus puissant que jamais, il entre l'année suivante en Italie, saccage Aquilée et s'empare de Milan. Valentinien quitte sa cache de Ravenne pour se recacher dans Rome, avec l'intention d'en sortir à l'approche du péril. La peur le faisait fuir, la lâcheté le retint, également indigne de l'Empire en l'abandonnant ou en le vendant. Deux consuls, Avienus et Trigésius, et le pape Saint-Léon viennent traiter avec Attila. Le Tartare consent à se retirer sur la promesse de ce qu'il appelait toujours la dot de Noria. Une raison plus intérieure le toucha, il fut arrêté par une main qui se montrait partout alors au défaut de celle des hommes, cela sera dit en son lieu. Attila se jette une seconde fois sur les Gaules, d'où Torismond, successeur de Théodoric, le repousse. Le Hun rentre encore dans sa ville de bois, méditant de nouveaux ravages. Il y disparaît. Le héros de la barbarie meurt comme le héros de la civilisation, dans l'enivrement de la gloire et les débauches d'un festin. Il s'endormit une nuit sur le sein d'une femme, et ne revit plus le soleil. Une hémorragie l'emporta, le conquérant creva du trop de sang qu'il avait bu et des voluptés dont il se gorgeait. Le monde romain se crut délivré, il ne l'était pas de ses vices, châtié, il n'était pas averti. L'invasion d'Attila en Italie donna naissance à Venise. les habitants de la Vénétie se renfermèrent dans les îlots voisins du continent. Leurs murailles étaient des claies d'osier. Ils vivaient de poissons. Ils n'avaient pour richesse que leurs gondoles et du sel qu'ils vendaient le long des côtes. Cassiodore les compare à des oiseaux aquatiques qui font leur nid au milieu des eaux. Voilà cette opulente, cette mystérieuse, cette voluptueuse Venise de qui les palais rentrent aujourd'hui dans le limon dont ils sont sortis. La Grande-Bretagne, malgré ses larmes et ses prières, avait été abandonnée des Romains. Quand l'épée d'Attila fut brisée, Valentinien, tirant pour la première fois la sienne, l'enfonça dans le cœur du dernier Romain. Jaloux d'Aetius, il tua celui qui avait retardé si longtemps la chute de l'Empire. Valentinien viole la femme de Maxime, riche sénateur de la famille anicienne. Maxime conspire. Valentinien, dernier prince de la famille de Théodose, est assassiné en plein jour par deux barbares, Transtila et Optila, attachés à la mémoire d'Aetius. Maxime est élu à la place de Valentinien. Son règne fut de peu de jours. Il le trouva trop long. « Fortuné Damoclès, s'écriait-il, regrettant l'obscurité de sa vie, ton règne commença et finit dans un même repas. » Maxime, devenu veuf, avait épousé de force Eudoxie, veuve de Valentinien et fille de Théodose II. Eudoxie cherche un vengeur et n'en voit point de plus terrible que Genséric. Les Vandales étaient devenus des pirates habiles et audacieux. Ils avaient dévasté la Sicile, pillé Palerme, ravager les côtes de la Lucanie et de la Grèce. Genséric, appelé par Eudoxie, ne refuse point la proie. Ses vaisseaux jettent l'ancre à Ostie. Maxime se veut échapper. Il est arrêté par le peuple, qui le déchire. Saint Léon essaye de sauver une seconde fois son troupeau et n'obtient point de Genséric ce qu'il avait obtenu d'Attila. La ville éternelle est livrée au pillage pendant 14 jours et 14 nuits. Les barbares se rembarquent. La flotte de Genséric apporte à Carthage les richesses de Rome comme la flotte de Scipion avait apporté à Rome les richesses de Carthage. Le chantre de Didon semblait avoir prédit Genséric dans Hannibal. Parmi le butin se trouvèrent les ornements enlevés au temple de Jérusalem. Quel mélange de ruines et de souvenirs! Tous les vaisseaux arrivèrent, heureusement, excepté celui qui était chargé des statues des dieux. Ces nouvelles calamités n'étonnèrent pas. Alaric avait tué Rome, Genséric ne fit que dépouiller le cadavre. Avitus, d'une famille puissante de l'Auvergne, beau-père de Sidoine Apollinaire et maître général des forces romaines dans les Gaules, remplaça Maxime. Il reçut la pourpre des mains de Théodoric II, roi des Visigoths, régnant à Toulouse. Ce Théodoric était frère de Torismond, fils de Théodoric Ier, tué au champ catalonique. Il soumit le reste des Suèves en Espagne, mais tandis qu'il avait l'air de combattre pour la gloire de l'empereur, son ouvrage, Avitus était déjà tombé. Il fut dégradé par le Sénat de Rome, qui semblait puiser ce pouvoir d'avilir dans sa propre dégradation. Ricimer ou Richimer, fils d'un Suève et de la fille du roi Go Valia, comme je vous l'ai déjà dit, fut le principal auteur de cette chute. Ce chef des troupes barbares, à la solde des Romains en Italie, donna une double marque de sa puissance en nommant l'empereur déposé, 16 octobre 456, évêque de Plaisance. La tonsure allait devenir la couronne des rois sans couronne. On ne sait trop comment finit Avitus, privé de l'Empire, il le fut aussi de la vie, dit pourtant un historien. Ricimer passa la pourpre à Majorien, ancien compagnon d'Aetius. Majorien était un de ces hommes que le ciel montre un moment à la terre dans l'abâtardissement des races. Étrangers au monde où ils viennent, ils ne s'y arrêtent que le temps nécessaire pour empêcher la prescription contre la vertu. Majorien ranima la gloire romaine en attaquant les Francs et les Vandales avec les vieilles bandes sans chef d'Attila et d'Alaric. On a de lui plusieurs belles lois. Ricimer ne l'avait placé sur le trône que parce qu'il le croyait sans génie. Quand il s'aperçut de sa méprise, il fit naître une sédition et Majorien abdiqua. On croit qu'il fut empoisonné, 7 août 461. Le faiseur et le défaiseur de roi, à cette époque de révolution, cela ne supposait ni talent supérieur ni grand péril, remit le diadème à Libius Sévère. Il prit garde cette fois que le prince ne fût pas un homme, et il y réussit. On ne connaît guère que le titre impérial de ce Libius sévère. L'excès de l'obscurité pour les rois a le même résultat que l'excès de la gloire, il ne laisse vivre qu'un nom. Deux hommes, fidèles à la mémoire de Majorien, refusèrent de reconnaître la créature de Ricimer. Marcelin, sous le titre de Patrice de l'Occident, resta libre dans la Dalmatie. Aegidius, maître général de la Gaule, conserva une puissance indépendante. Ce fut lui que les Bretons implorèrent et que les Francs nommèrent un moment leur chef quand ils chassèrent Childéric. L'Italie continua d'être livrée aux courses des Vandales. Chaque année au printemps, le vieux Genséric y rapportait la flamme. Par un renversement de l'ordre du destin, dit Sidoine, la brûlante Afrique versait sur Rome les fureurs du Caucase. Léon Ier, surnommé le Grand ou le Boucher, ou plus souvent Léon de Thrace, avait été élu empereur d'Orient après la mort de Marcien, arrivé vers la fin de janvier l'an 457. Constantinople, échappée aux barbares, obtenait sur Rome la prééminence, non la supériorité, que donne le bonheur sur l'infortune. L'Empire d'Occident sur son lit de mort ressemblait à un guerrier ou à un roi dont on pille la tente ou le palais, tandis qu'il expire, ne lui laissant pas un linceul pour l'ensevelir. Léon, qui voyait donner des maîtres à Rome, lui accorda en thème, 468, en qualité d'empereur, sur la demande du Sénat. Ricimer empoisonna Libius Sévère et épousa la fille d'Anthème. Il y eut de grandes réjouissances, tout parut consolidé dans une ruine. Vous avez vu qu'Anthème pensait à rétablir le culte des idoles. Les deux empires, et surtout celui d'Orient, préparèrent un puissant armement contre les Vandales. Le commandement en fut donné à Basilisque, qui laissa brûler sa flotte devant Carthage, réduite à la nécessité de passer pour un traître, afin de conserver la réputation d'un grand général. Sauvé de ce danger, Genséric reprit ses courses et s'empara de la Sicile. Théodoric II avait rompu ses traités avec Rome à la mort de l'empereur Majorien. Il réunit Narbonne à son royaume, Euric, son frère, qui l'assassina, acheva la conquête des Espagnes sur les Romains et sur les Suèves. Ceux-ci reconnurent son autorité en restant en possession de la Galice. Dans les Gaules, Euric ne fut pas moins heureux. Il étendit sa domination d'un côté, depuis les Pyrénées jusqu'au Rhône, de l'autre jusqu'à la Loire. En ce temps, les Bourguignons étaient alliés de Rome et se déchiraient entre eux. Il en était ainsi des Francs et des Saxons. Cependant, Ricimer se brouille avec Anthème, son beau-père, et se détermine à changer encore le maître titulaire de l'Occident. Il appelle à la pourpre Olibre, qui avait épousé Placidie, fille de Valentinien III. Il en résulte une guerre civile. Rome est saccagée une troisième fois, dit le pape Gélas, et les misérables restes de l'Empire sont foulés aux pieds. Anthème est tué, 11 juillet 472, Olibre meurt, et Ricimer le précède dans la tombe où il avait précipité 5 empereurs, tous faits de sa main. Gondivar ou Gondibald, neveu de Ricimer et élevé à la dignité de patrice par Olibre, pousse Glycérius à s'emparer du pouvoir. Gondibald est peut-être le célèbre roi des Bourguignons. À Constantinople, on proclama Julius Nepos empereur d'Occident. Il surprit son compétiteur Glycérius, le fit raser et ordonner évêque de Salone. Julius Nepos céda l'Auvergne à Euric, roi des Visigoths, croyant pouvoir sacrifier ses amis à ses ennemis. Les troupes que Nepos tenait à sa solde se révoltent. Il fuit, traînant dans sa retraite en Dalmatie un titre que lui seul reconnaissait. Il retrouva à Salone son rival impérial qui l'avait fait évêque. Nepos ne valait pas la peine d'un coup de poignard et fut assassiné pourtant. Les Ostrogoths, pendant l'apparition de Glycérius, s'étaient montrés en Italie. Les autres barbares, qui opprimaient plus qu'ils ne défendaient ce malheureux pays, avait alors pour chef Oreste, ce secrétaire d'Attila dont je vous ai déjà parlé. À la mort du roi des Huns, il passa au service des empereurs d'Occident, sous lesquels il devint patrice et maître général des armées. Il avait eu un fils d'une mère inconnue, ou peut-être de la fille de ce comte Romulus, que Valentinien envoya en ambassade auprès d'Attila. ce fils est Romulus Auguste, surnommé Augustule. Humiliez-vous et reconnaissez le néant des empires. » Oreste refusa la pourpre que lui offraient ses soldats et en laissa couvrir son fils. Les Scythes, les Alains, les Rugiens, les Érules, les Turcilinges, qui composaient ces défenseurs redoutables des misérables Romains, enflammés par l'exemple de leurs compatriotes établis en Afrique, dans les Espagnes et dans les Gaules, sommèrent Oreste de leur abandonner le tiers des propriétés de l'Italie. Il leur crut pouvoir résister. Odoacre, peut-être fils d'Édécon, ancien collègue d'Oreste dans sa mission à Constantinople, Odoacre, après diverses aventures, se trouvait investi d'une charge éminente dans les gardes de l'Italie. Il se met à la tête des séditieux, assiège Oreste dans Pavie, emporte la place, le prend et le tue. Le 23 août de l'an 476, Odoacre, arien de religion, est proclamé roi d'Italie. L'Empire romain avait duré 507 ans, moins quelques jours, depuis la bataille d'Actium. On comptait 1229 ans de la fondation de Rome. Quand Augustule, dernier successeur d'Auguste, quitta les marques de la puissance, Simplicius, 47e pontife depuis Saint-Pierre, occupait la chaire de l'apôtre, dont l'empire avait commencé sous l'héritier immédiat d'Auguste. Les successeurs de Simplicius, après 1354 ans, règnent encore dans les palais des Césars. Odoacre établit son siège à Ravenne. Le Sénat romain renonça au droit d'élire son maître. Satisfait d'être esclave à merci, il déclara que le Capitole abdiquait la domination du monde et renvoya par une ambassade solennelle les enseignes à Zénon qui gouvernait l'Orient. Zénon reçut à Constantinople les ambassadeurs avec un front sévère. Il reprocha au Sénat le meurtre d'Anthème et le bannissement de Népos. Népos vit encore, dit-il aux ambassadeurs, il sera, jusqu'à sa mort, votre vrai maître. Ce brevet de tyran honoraire, délivré par Zénon à Népos, est le dernier titre de la légitimité des Césars. Augustule, trouvé à Ravenne par Odoacre, fut dégradé de la pourpre. L'histoire ne dit rien de lui, sinon qu'il était beau. Le premier roi d'Italie accorda au dernier empereur de Rome une pension de 6000 pièces d'or. Il le fit conduire à l'ancienne villa de Lucullus, située sur le promontoire de Mycène et convertie en forteresse depuis les guerres des Vandales. Elle avait d'abord appartenu à Marius. Lucullus l'acheta. Ainsi, la Providence assignait pour prison au fils du secrétaire d'Attila un prince de race gothique, revêtu de la pourpre romaine par les derniers barbares qui renversaient l'Empire d'Occident. La Providence assignait, dis-je, pour prison à ce prince une maison où fut portée la dépouille des Cimbres, premiers barbares du Septentrion qui menacèrent le Capitole. C'est là qu'Augustule passa sa jeunesse et sa vie, inconnue, sans se douter de tout ce qui s'attachait à son nom, indifférent aux leçons que donnait sa présence, étrangère aux souvenirs que rappelaient les lieux de son exil. Ajoutons ceci, attentifs que nous sommes à l'immutabilité des conseils éternels et à la vicissitude des choses humaines, les reliques de saint Séverin succédèrent à la personne d'Augustule dans la demeure que Marius décora de ses proscriptions et de ses trophées, Lucullus de ses fêtes et de ses banquets. Elle se changea en une église. Odoacre, n'étant encore qu'un obscur soldat, avait visité saint Séverin dans la Norique. Le solitaire, à l'aspect de ce barbare d'une haute taille, qui se courbait pour passer sous la porte de la cellule, lui dit « Va en Italie, tu es maintenant couvert de vils peaux de bêtes, un temps viendra que tu distribueras des largesses. » Enfin, le dieu qui d'une main abaissait l'Empire romain élevait de l'autre l'Empire français, Augustule déposait le diadème l'an 476 de Jésus-Christ, et l'an 481, Clovis, couronné de sa longue chevelure, régnait sur ses compagnons. Fin du quatrième discours.